بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة الحجر. سورة الحجر في المسألة 99 في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. Donc là dans سورة الحجر 99 مسألة, ou alors dans le sens où il dit que nous avons certes créé l'homme, donc certes créé l'homme d'un argile ou d'une terre crissante extraite d'argile malléable. Verset 26. Et cet argile malléable, il est sec. Mou, malléable. Un peu comme, comme on appellerait ça, comme de la pâte à modeler. قال ظاهر الآية أن آدم خلق من صلصال أي طين يابس. Donc la part de ce verset montre que Allah Azza wa Jal a été créé de sol-sol, c'est-à-dire d'une terre malléable. Et cette terre, elle est sèche. Cette terre, elle est sèche. قال ولقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى من طين لازب. Et donc, nous avons d'autres versets qui s'opposent à cela, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit l'opposé de cela en disant qu'il a été créé d'une terre, c'est-à-dire de la boue collante. Et la boue, c'est une terre qui a été mélangée à de l'eau, et après elle est collante par rapport à cette humidité. Sourate Saffat, verset 11. Également, qu'aqoulihi ta'ala, kamathali Adam khalaqahu min turab, comme l'exemple de Adam qu'il a créé de terre. Al-Imran, verset 59. Donc là, on a trois choses différentes. Une terre malléable, sèche, une terre humide, boueuse et collante, et une terre normale. قال والجواب أنه ذكر أطوار ذلك التراب فذكر توره الأول بقوله من تراب ثم بل فصار طينا لازبا ثم خمر فصار حمأ مسنونا ثم يبس فصار صلصالا كالفخار وهذا واضح والعلم عند الله تعالى. Donc la réponse est tout simplement que en fait Allah Azza wa Jal a cité les choses par évolution, par étape. En premier lieu, soleil de la terre, normal. Ensuite, cela a été mouillé. Donc c'est devenu de la terre, de la boue collante. Ensuite, par la suite, cela s'est un peu asséché, donc c'est devenu comment ? De l'argile. De l'argile. Et au final, c'est devenu comme de la poterie, c'est-à-dire une chose rigide. Car l'argile, lorsqu'on le travaille et qu'on le laisse sécher, il devient comment ? Il devient sec et solide. Donc là, c'est les étapes de la création de Adam alayhi salam. Et comme il dit l'auteur, cela est wadih. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. C'est juste, un verset cite une étape, l'autre verset cite une autre étape, et ainsi de suite. Naam. Wa l'ilmu indallah, wa alhamdu rabbil alamin.